FrenchPod.com. Félicitations Nadia, vous avez gagné un voyage pour deux personnes et la destination est l'Angleterre. Super! Vous allez passer 10 jours à Londres. Au programme, traversée de la Manche en Eurostar, en première classe, croisière sur la Tamise et visite guidée de la ville. C'est merveilleux! Ce n'est pas tout! Vous serez logé dans un superbe hôtel de luxe dans la suite nuptiale. Mais je suis célibataire.